Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus dans la bulle de l'IA. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Et aujourd'hui, nous avons la grande chance d'avoir avec nous encore une fois, hein, c'est toujours un plaisir, monsieur Xavier Battistella, directeur de l'action culturelle et de la communication à la Maison de la Bresse. Xavier, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va très bien quand on a une belle exposition qui se prépare pour l'été. C'est vrai, alors comme vous le dites, hein, vous nous parlez aujourd'hui d'une exposition donc, de l'artiste Anita Roturo, donc exposition nommée Allégorie flamboyante. Alors rien qu'à voir les images que j'ai eu la chance de pouvoir regarder, c'est vraiment flamboyant, ça c'est le cas de le dire, qui sera visible du 6 juillet au 2 septembre. Voilà, c'est vrai que c'est toujours délicat de parler de peinture à la radio. C'est vrai. Mais l'avantage, c'est qu'on a maintenant des moyens quand même multimédia qui nous permettent, en trois clics, de retomber sur de belles images. C'est vrai. Alors, Anita Roturo, oui, c'est vraiment une artiste flamboyante. Et le titre de l'exposition qu'elle a choisi elle-même est vraiment tout à fait bien choisi. Donc, des peintures qui sont très, très colorées, oui. Qui sont avec des formes très arrondies, avec des motifs, que ce soit des lignes, des spirales, des ronds, de tout type de graphisme. Et donc, ce sont des peintures qui sont figuratives, on reconnaît ce qui se passe dedans, et qui sont surtout avec des couleurs très joyeuses. En fait, vous passez dans l'exposition, vous passez forcément un moment avec le sourire, parce que être dans une toile d'Anita Roturo, c'est avoir le sourire. Très, très coloré, très féminin, plein de charme, et c'est très pétillant. C'est vrai que ça passe plein de beaux messages, même subliminaux, et c'est vraiment magnifique. On invite tout le monde à aller voir cette magnifique exposition. Alors, qui est Anita Roturo ? Alors, Anita Roturo, c'est une artiste qui est originaire de Vendée. Oui. Après, elle a un petit peu tourné en France. Elle a vécu différentes expériences de vie qui l'ont amenée dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la région de Nancy. Et puis, depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans, elle est dans les Vosges. Ah. Elle est même installée à la Bresse depuis quelques mois. Ah. Du coup, ça lui fait pas beaucoup de chemin, mais elle était encore loin de la Bresse au moment où on a préparé cette exposition. D'accord. Voilà. Mais bon, faut croire hasard. Que les Hauts-de-Vosges séduisent. Ah oui, bien sûr, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc Anita Roturo est une artiste qui, dès le plus jeune âge, a impressionné en fait son monde tout autour d'elle. Et puis, le temps aidant, elle est partie plutôt dans l'enseignement, dans la transmission, et elle est revenue à l'art il y a une quinzaine d'années. Mais alors là, avec beaucoup de succès, donc avec des expositions en France, au Luxembourg, et dans de très belles galeries. Elle est exposée régulièrement dans des galeries assez prestigieuses en France. Et là, elle nous fait vraiment l'honneur, la joie de venir à la Bresse pour les 2 mois d'été. Alors, comment vous l'avez rencontrée, cette artiste ? C'est vous qui avez eu envie de la chercher, de la faire venir à la Maison de la Bresse, ou alors c'est elle qui est venue à vous ? Eh bien, c'est toujours assez mystérieux comment les contacts se font, mais ils se font. Là, je crois que c'est elle qui était venue me rencontrer. Oui. Mais aussitôt, on a été séduit par son travail et par sa personne aussi, qui est une personne très attachante, avec une grande humanité. Donc voilà, Alexandrine Ducré et moi, donc Alexandrine Ducré qui est l'adjointe à la culture à la ville de la Bresse, a elle aussi beaucoup apprécié, et donc il était évident qu'on ne pouvait que travailler avec elle. Oui. En plus, je vous invite à aller voir, je pense, quelques images sur le site de la Maison de la Bresse pour se donner un petit peu un avant-goût. Oui, vous pouvez, le plus simple, c'est comme la page Facebook de la ville de la Maison de la Bresse, donc vous tapez Maison de la Bresse sur Facebook, ça c'est là où il y en aura de manière régulière, donc vous allez en trouver au fur et à mesure des journées de plus en plus. Après, le site maisondelabresse.fr va être actualisé là, avant l'ouverture de l'expo, donc avant vendredi. Sur le site aussi de la ville de la Bresse, labresse.fr. Normalement, Anita Roturo La Bresse sur Google, c'est bon, ça marche, vous aurez beaucoup de choses à voir. Tout passe. Alors, je cite, une exposition garantie 100% pur bonheur. Alors ça peut que nous faire plaisir. On est ravis de ce terme et je pense qu'il est très très bien choisi. Combien de tableaux seront exposés au sein de la Maison de la Bresse pour cette artiste Anita Roturo ? Donc là, on aura une trentaine d'œuvres. Oui. Si vous souhaitez en acheter, c'est possible aussi, d'accord, même si ce n'est pas une galerie, mais l'artiste se tiendra aussi présente pour éventuellement vous en vendre si vous le souhaitez, avec des prix qui commencent à 400 euros, d'accord, pour les moins chers, qui peuvent monter beaucoup plus si vous avez un plus gros portefeuille. mais de toute manière, c'est une artiste qui a beaucoup de succès aujourd'hui, donc voilà, on sait que ça vous plaira. En plus, on l'a vraiment choisi pour l'été, avec des couleurs très estivales, comme c'est ça, chaleureuses et flamboyantes. C'est ça. C'est des grandes toiles exposées ou il y a plusieurs formats ? Il y a plusieurs formats, oui, ça peut être des toiles assez petites, de type 40 cm de côté pour des formats carrés, ou des formats beaucoup plus grands, comme des formats d'à peu près 2 mètres de longueur sur 1,20 m. Voilà, donc ça, on a différentes choses à présenter. Voilà. Est-ce qu'il y a un thème particulier qu'elle a souhaité aborder par les tableaux qu'elle souhaite exposer au sein de la Maison de la Bresse ? Non, il n'y a pas vraiment de thème explicite, sinon le fait en fait que les tableaux forment une unité, oui, de par l'artiste, oui, qui a un style vraiment bien reconnaissable. Voilà, vous ne pouvez pas vous tromper, vous voyez un Anita Roturo, vous savez que c'est un Anita Roturo, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des thèmes qu'elle aime transmettre ? Est-ce qu'on... Alors, beaucoup de choses autour de la féminité, oui, autour de l'amour, autour de la relation mère-enfant, autour du couple. Très féminin. Féminin, mais pas seulement féminin. Pas seulement, c'est vrai. C'est universel. Ça peut plaire à tous. Je pense que la question de l'amour n'intéresse pas que les femmes. Non, ça c'est vrai. C'est universel, ça devrait plaire à tous. Ça devrait plaire bien sûr aux adultes qui connaissent un peu l'art, mais ça plaira aussi à ceux qui ne connaissent rien du tout. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être connaisseur pour apprécier, et ça plaira aussi beaucoup aux enfants, puisqu'on travaille beaucoup en direction des enfants, comme vous le savez certainement. Oui, à la Maison de la Bresse. Bien sûr, les enfants sont vraiment ont leur place à part entière à la Maison de la Bresse, parce qu'il y a toujours des petites activités qui leur sont proposées, oui, et puis là ces tableaux, eh bien, ils sont vraiment chatoyants, il y a plein de couleurs, ils vont forcément, oui, avoir des étoiles plein les yeux, ces enfants, ça c'est garanti. Alors il y a un petit parcours enfant encore sur cette exposition. Donc le parcours n'est pas encore réalisé. C'est toujours un peu compliqué d'en parler en amont, dans le sens où on a quelques idées, mais le parcours, on essaie de le réaliser avec des enfants. Ah. Voilà. Donc là, en l'occurrence, les enfants viennent jeudi, juste la veille de l'exposition. D'accord. Donc on va travailler d'arrache-pied pour le mettre en place, si possible, au moins en partie pour le week-end, et pour le vernissage qui a lieu vendredi. Et donc voilà, des enfants qui viennent un peu travailler avec, évidemment, moi qui suis professeur à la base, donc je valide aussi bien sûr tout ça. Vous étiez professeur ? Bah voilà, professeur des écoles, et spécialisé en art, donc un ça scoop. Va. Et donc tout ça, on le travaille ensemble pour avoir vraiment quelque chose qui soit adapté à des enfants, qui ne soient pas scolaires non plus. On n'est pas là pour donner l'impression d'être dans une école. On est là pour prendre beaucoup de plaisir. C'est ludique. C'est en partie ludique. Ça peut être aussi en partie à faire avec les parents, parce qu'on souhaite que les familles puissent prendre du plaisir à venir ensemble. Oui. Voilà, que ce soit un lieu de rencontre entre parents et enfants. Quand on vient en vacances, c'est aussi pour être en famille et pas seulement pour laisser les enfants d'un côté et les parents de l'autre. Donc voilà, des choses à faire en famille. Et puis on propose aussi des ateliers tous les jeudis après-midi. Donc pendant tout le temps de l'exposition, tous les jeudis après-midi, vous aurez des ateliers spécialement pour les enfants, dont certains menés par les artistes qui exposent pendant l'été. Puisqu'on a parlé d'Anita Roturo, mais il y aura d'autres artistes, on va en parler, je pense. Bien sûr, Xavier, on va en parler tous les jeudis à partir du 12 juillet. Donc il y aura ces ateliers enfants, famille. Et comme vous le dites, c'est un bon moment à passer avec ses enfants, ses parents, ses grands-parents. C'est intergénérationnel à la Maison de la Bresse. Et puis c'est une belle sensibilisation pour les enfants à l'art, et ça c'est vraiment magnifique. Alors, d'ailleurs, je pourrais juste, si vous le permettez, parler d'une nouveauté qui est en train de prendre vraiment son ampleur. D'accord. C'est on a créé avec avec une personne qui est en service civique, comme vous le savez certainement, oui. Pendant quelques mois, on a créé un petit atelier, l'atelier d'Anicé. Anicé, c'est le oui. Sauteret de la Bresse. Et donc là, voilà, il va vraiment prendre la pleine mesure de son potentiel, cet atelier, pendant cette exposition d'été. D'accord. Donc l'atelier d'Anicé, le facétieux Sauteret ami des enfants, est installé dans la salle d'exposition et permet aux enfants de bénéficier d'un espace à leur taille. Ça, c'est plutôt bien pensé pour laisser s'exprimer leur créativité sur les thèmes de l'exposition, et bien notamment d'Anita Roturo. Cette fois-ci, je cite donc voilà sur ce beau accès presque que j'ai reçu. Alors le vernissage de cette exposition, donc ça se passe et bien vendredi, ce vendredi 6 juillet à partir de 19h. Mmh. Donc où on retrouvera l'artiste déjà? Oui, bien sûr, vous trouverez les trois artistes qui exposeront pendant l'été. Alors les deux autres artistes, et bien on va les nommer. Oui. Il y a le peintre Olivier Bozio. Oui. Et puis, je vous laisse prononcer le nom... Dera Shekar. Voilà, c'est oui, ça. Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué à écrire, mais voilà. Alors, tout simplement, autour de l'exposition d'Anita Roturo, on a souhaité proposer deux autres artistes qui ont une forme d'art qui répond bien à l'exposition d'Anita Roturo. Alors, vous qui avez un dossier sous les yeux, vous le voyez certainement mieux que les auditeurs, mais Dera Shekar, c'est un artiste qui est plutôt dessinateur, dans oui. un style assez urbain, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et en fait, ce qui nous a intéressé, c'est le traitement qui fait à la fois sur des couleurs, oui. mais pas seulement, parfois juste sur du noir et blanc, et puis surtout la manière de remplir sa toile comme s'il fallait pas qu'il y ait d'espace vide. Et ça, Anita Roturo, là aussi, c'est-à-dire qu'on a des toiles qui sont très très nourries, remplies, oui. fournies. Et Dera Shekar, c'est un petit peu ce qu'il fait, mais dans un style plus urbain, quoi. C'est voilà. vrai. J'allais dire jeune, mais en fait non, c'est même pas jeune aujourd'hui. C'est... Oui, ça déjà, ça fait déjà quelques décennies qu'on travaille sur ce type de, sur cette forme d'art. Et donc Dera Shekar, peut-être vous avez pu le voir à Vanier. Il a exposé en novembre dernier, je crois. D'accord. Quelques-unes de ses œuvres. Et donc là, il occupera la deuxième salle de la Maison de la Bresse. D'accord. Voilà, je vous encourage à découvrir. Ah bah oui, c'est vraiment... Et ça, c'est pendant tout le mois de juillet. Voilà, du 6 juillet au 3 août. Voilà. Est-ce qu'il est local, cet artiste, Dera Shekar? Alors, il est de la région. Ouais. D'accord. Il est des Vosges aussi, oui. Ah bah voilà, on a... Tout comme Olivier Bozio qui lui succède. Eh bah voilà, quel magnifique parallèle. Donc, Olivier Bozio, eh bien, un peintre qui sera présent du 4 août au 2 septembre. En tout cas, ces toiles seront présentes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente comme style de peinture, Olivier Bozio? Alors, donc, il est spinalien, puisque vous aimez bien les origines. au niveau de ce qu'il présente, c'est un peu l'opposé d'Anita c'est Roturo. Vrai. C'est-à-dire que autant Anita Roturo, c'est flamboyant, ça déborde. Autant Olivier, c'est paradoxal, mais c'est très retenu quelque part. C'est un geste, un jaillissement. Oui. Et pourtant, ça reste très sobre. C'est vrai. Voilà. Il va y avoir quelques lignes sur la toile. L'artiste a vraiment... c'est des toiles qui ne va pas réaliser en 200 heures, quoi. Mais en même temps, elle nécessite 200 heures de travail intérieur avant pouvoir avoir le ça. Bon geste. Voilà. Et paradoxalement, donc, si ça semble assez éloigné de ce que fait Anita Roturo, il y a au moins un parallèle qui est facile, c'est la couleur. C'est vrai. Il a une qualité dans le choix de ses couleurs qui fait que ça reste joyeux, ça reste vivant. Ouais, voilà, on a une source de vie, quoi. C'est vrai. Et ces tableaux, je cite, n'ont pas de crainte de laisser le blanc, oui. cette fois-ci. C'est oui. pour ça que c'est opposé. Voilà. Et du coup, ouais, ça rentre quand même très bien l'un avec l'autre. Ça se complète, tout ça. Tout à fait. Vous sortez de l'exposition d'Anita Roturo, vous en avez eu plein les yeux. Là, on va être calme. Plus sobre, plus calme. Voilà, ça fait du bien aussi, en fait. Les deux vont vraiment bien ensemble et je pense que vous apprécierez. Alors, c'est, là, pour le coup, Olivier Bozio, c'est parfaitement abstrait. On parle plus de gestes que de figures. Oui. Et donc, du coup, ça peut-être déconcerter. Bah, au pire, ça vous parle pas trop et c'est pas grave, vous aurez au moins l'exposition d'Anita Roturo pour vous parler à côté. Mais je pense que ça peut quand même vraiment peut-être vous surprendre, mais ça mérite vraiment d'être vu. Moi, j'adore ce qu'il fait. C'est, voilà. Il a aussi des toiles qui sont, au lieu d'avoir du blanc, c'est du noir. D'accord. Mais il va jouer sur le côté mat et brillant. D'accord. Et là, waouh. Enfin, moi, j'adore ce qu'il fait. C'est vraiment quelque chose d'à la fois simple, mais profond. C'est, pour moi, ça ne parle pas du tout par l'intellect, mais uniquement par le cœur. Ah, bah ça, c'est magnifique. Alors là, Xavier, on vous laissera ce mot. Je n'en rajouterai pas un de plus sur vos émotions. Donc du coup, lui, cet artiste, il va succéder à Ira Shekar dans la deuxième salle de la Maison de la Bresse, voilà, pour son exposition. Tout à fait. Donc il y aura une petite journée de transition entre les deux, oui, le temps d'installer la nouvelle exposition. Et puis, Olivier Bozio, comme Ira Shekar, proposeront aussi un atelier pour les enfants chacun. D'accord. Donc ça sera parmi tous les jeudis qui sont proposés. D'accord. Il y en aura un animé par chacun des artistes, tout comme Anita Roturo en animera aussi. Waouh, super. Donc en plus, on en aura la grande chance de pouvoir rencontrer ces artistes et puis de pouvoir partager un moment avec eux. Les trois seront présents au vernissage de l'exposition, donc ce vendredi, on l'a dit, à 19h. Oui. Et là, c'est ouvert à tous. Hein. Vous D'accord. n'avez pas besoin de carton, vous pouvez venir. Ah bah magnifique. Voilà. Entrée libre. Entrée libre, bien sûr. Oui. Bien sûr. Hein. On sait, à la Maison de la Bresse, on aime ça. Avant d'avoir plus de précisions sur tout ce qui vous attendra encore à la Maison de la Bresse, et plus particulièrement jeudis d'atelier pour enfants et ou familles, nous allons faire une petite bulle de son avec le Carnaval des animaux par Micha Maïski, et on se retrouve juste après. Revoilà à nouveau ensemble, pour continuer à parler des ateliers pour enfants et ou familles qui seront proposés tout au long de l'été, du 12 juillet au 30 août, tous les jeudis après-midi. Est-ce qu'il faut s'inscrire au jeudi atelier en famille pour enfants? Alors, normalement non, mais par précaution, vous pouvez toujours. Comme ça, si vraiment on se retrouve avec beaucoup de monde, vous aurez une priorité. Ah voilà, super. Donc, en revanche, l'inscription, elle sera utile sur d'autres événements. Alors, dites-nous tout. Donc, puisque pendant les 2 mois de l'exposition, on va organiser plusieurs événements, oui. Et notamment un workshop avec Anita Roturo. D'accord. Donc un petit atelier pour travailler des techniques de peinture. C'est ouvert à tous, aux débutants, aux artistes confirmés. Je pense que tout le monde a à apprendre avec Anita Roturo. Oui. Donc, même si vous êtes déjà un artiste professionnel, ça peut être intéressant, sachant que là, on demande une petite participation, je crois, au workshop de l'ordre de 10 euros. C'est ça. Et pour le reste, voilà, c'est un atelier qui va durer tout l'après-midi du mercredi 8 août, donc oui. Ça dure 5 heures. Donc là, vous aurez vraiment de quoi nourrir votre créativité. Waouh. Voilà. Mercredi 8 août, de 14h à 19h, avec voilà. Une petite participation de 10 euros et une inscription, eh bien, cette fois-ci, vraiment plus que suggérée. Pour, c'est obligatoire. Voilà, obligatoire, on va le dire, hein, car les places sont limitées à 12 pour pouvoir partager un moment. Profiter de ce moment. On sait qu'il y a beaucoup de demandes sur ce genre d'atelier, et à juste titre, il faut dire que c'est vraiment quelque chose de pertinent pour avoir vu avec d'autres artistes ce qu'on a déjà organisé, on voit qu'il y a une vraie demande et les gens sont ravis à la sortie. Donc oui, ça vaut le coup, mais inscrivez-vous. Eh ben voilà, inscrivez-vous. Le plus tôt étant le mieux. Et on s'inscrit toujours sur le site de la Maison de la Bresse. Alors vous pouvez appeler, passer un coup de fil ou envoyer un petit mail à la Maison de la Bresse, ça marche très bien. Super. Donc on le rappelle, cet atelier sera le mercredi 8 août de 14h à 19h. Est-ce qu'on amène son matériel ou est-ce que tout sera sur place? Là, vous amenez votre matériel et il y aura certainement un petit peu de matériel spécifique qui sera apporté aussi par l'artiste, mais l'essentiel, c'est votre matériel. D'accord. Si vous avez des doutes, vous appelez la Maison de la Bresse dans les heures d'ouverture et on vous donnera plus de précisions. Eh ben voilà, super. S'en suivra un événement qui sera cette fois-ci musical avec un concert classique piano et violon. Ça se passera le mardi 14 août à 20h30. Voilà. Bah oui, puisque je sais que vous souhaitiez aller voir le feu d'artifice à Gérardmer le même soir, mais il y aura tellement de monde, ce sera tellement bouchonné, que venez plutôt au concert à la Bresse, en fait. Ça vaudra le coup. En plus, c'est vraiment de la qualité, puisque la pianiste Julie Richard, en fait, on a accueilli ces 2 dernières années, donc il y a 2 ans, dans un duo piano et chant. L'an dernier, un trio piano, violon et chant. D'accord. Et puis là, on va faire piano et violon avec le même violoniste que l'an dernier. Wow. Et comme ces 2 dernières années, c'était juste merveilleux, salle pleine et avec des spectateurs qui sont tous sortis la banane au visage, là, on se dit que ça ne peut être encore une fois que formidable. D'autant plus que les artistes ont choisi un répertoire par rapport aux toiles d'Anita Roturo. Donc, ils ont vu les différentes productions d'Anita Roturo, ces différents tableaux, et à partir de là, ils se sont dit, tiens, tel morceau irait bien avec, ou tel autre irait bien avec. Donc, on va être surtout dans de la musique classique des années 20. D'accord. Avec du Stravinsky, du Prokofiev, une touche même de contemporain. D'accord. Et puis, des Lili Boulanger, des choses qui sont un petit peu descriptives, qui sont assez faciles d'accès, et qui sont... aussi colorée et chatoyante que l'étoile d'Anita Roturo. Ça, c'est super, les artistes qui s'inspirent des toiles de d'autres artistes. Est-ce qu'ils se rencontrent, tous ces artistes, à un moment donné? Le soir du concert. C'est génial, voilà. Voilà, là, il y aura un petit échange, je pense, aussi, même si on n'a pas encore formalisé de choses, mais bon, voilà. Est-ce que l'acoustique s'y prête à la Maison de la Bresse pour accueillir ce genre de concert? Alors, c'est une salle qui résonne beaucoup, donc qui fait peur, comme ça, quand les artistes viennent. Mais au final, une fois que le public est en place, c'est vraiment fantastique. Ça fonctionne vraiment bien pour une jauge qui est petite, puisqu'on n'est pas dans des grandes salles. Hein, on a 120 places, grand maximum. Voilà, donc si la salle est pleine, ça fonctionne parfaitement. Quoi. Et ben voilà, donc venez tous le mardi 14 août à 20h30 pour un concert avec la pianiste Julie Richard et le violoniste Pascal Monlon. C'est ça. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire cette fois-ci? Non, pas besoin. Vous venez juste à l'heure, c'est ce qui compte. On vient à l'heure. Une participation de 7 euros est demandée pour ce concert. Voilà. On s'en suivra donc le vendredi 31 août avec une nocturne de 21h à 23h. Voilà. Alors, en fait, on a eu envie de proposer un peu un finissage de l'expo. Oui. légèrement anticiper sur la nuit du vendredi au samedi et de le proposer en soirée assez tard, comme ça, quand il commence à faire nuit, puisque toute l'exposition, pendant tout l'été, vous l'aurez vu avec la lumière du jour. Oui. Et là, se dire, allez, vers 21h, le soleil décline, 22h, il fera nuit. Donc, on va proposer de découvrir l'exposition d'Anita Roturo dans cette lumière, cette fois de lumière de projecteur, donc ça donne un côté plus intimiste. On s'approche plus des œuvres et on va vous proposer pas mal de petites choses bien sympathiques pendant cette soirée de finissage, notamment la participation du duo Taïga, donc guitare classique et violon, qui joueront dans la salle d'exposition pour accompagner votre regard sur les œuvres. Eh ben, c'est magnifique. Donc cette exposition, donc Allégorie flamboyante, hein, on le rappelle, d'Anita Roturo, grande artiste dont Xavier Battistella vient si gentiment de nous parler avec bientôt les événements, les ateliers, parents, enfants, familles. C'est une exposition intergénérationnelle comme on les aime si bien à la maison de la Bresse. Eh bien, elle aura lieu du 6 juillet au 2 septembre avec le vernissage, vous l'avez compris, ce vendredi 6 juillet à 19h, on n'oublie pas, Héra Chécard et Olivier Bozio en parallèle pour d'autres peintures à explorer. Est-ce qu'on avait autre chose à dire sur cette exposition magnifique? Je vous précise peut-être juste les horaires d'ouverture. Eh oui. Donc, ce sera ouvert tous les jours, de 10h à 13h et de 15h à 19h. Et voilà. Donc, voilà. Avec une entrée... Vous avez le temps de venir, voilà. Y a pas de souci. Avec une entrée libre. Et comme on vous l'a dit, si vous avez besoin d'infos un petit peu plus poussées pour les infos pratiques, ça se passe soit sur le site internet de la Maison de la Bresse ou sur la page Facebook de la Maison de la Bresse, tout simplement. Voilà, si je peux me permettre aussi, je vais vous proposer aussi quelques autres événements qui auront lieu pendant l'été à la Bresse. Donc on aura un concert d'orgue le vendredi 28 juillet à l'église de la Bresse, avec concert d'orgue avec Eric Imbert-Claude à l'orgue, mais aussi violon, violoncelle et harpe. Wow. Donc ça va être magnifique. Vraiment sympathique. Et normalement, le jeudi, ils feront un petit détour par la Maison de la Bresse pour jouer au sein de l'exposition. Ah bah voilà. Voilà. Super. Et puis un autre événement aussi, c'est du 15 au 17 août, le Festival d'Anicé, un festival réservé aux enfants qu'on propose pour tous les vacanciers ou les gens qui souhaitent passer par la Bresse. Les enfants auront des ateliers tous les après-midi et des spectacles le soir. Oh bah ça, c'est et magnifique. Ça se passera juste autour de la Maison de la Bresse, sur les extérieurs de la Maison de la Bresse. Wow. En cas de mauvais temps, on rapatrie à l'intérieur. Oh, ouais, super, un festival spécial enfants, alors ça, nous, on valide. Et ben voilà, magnifique. Donc... un festival organisé par l'Office de tourisme de la Bresse, mais que je vous recommande vivement. Que l'on salue. Eh bien, merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. C'était très gentil d'être passé par ici. On vous souhaite plein de belles choses pour cette future exposition. Et puis pour tout le reste, on se retrouve très très bientôt dans tous les cas. À bientôt. Au revoir. Merci encore à Xavier Battistella pour la présentation de cette exposition d'Anita Roturo pour Allégorie flamboyante du 6 juillet au 2 septembre. N'oubliez pas le vernissage ce vendredi 6 juillet à 19h à la Maison de la Bresse. Bien évidemment, tout de suite, on retrouve par téléphone Sylvie Dalguer qui va nous parler d'un événement à Bouzet ce dimanche, La Folie Calette. Nous sommes actuellement en ligne avec Madame Sylvie Dalguer, première adjointe à Chaumouset et conseillère Grand Est. Madame Dalguer, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, très très bien par cette belle journée. Oui, on vous remercie en tout cas d'avoir répondu présent aujourd'hui. Alors pour nous parler la deuxième édition d'une manifestation que je vous laisserai nommer. La Folie Calette. Alors, La Folie Calette, ça se passe très bientôt, il me semble, à Bouzet, c'est ça? Oui, ça se passera donc dimanche prochain, donc le 8 juillet, sur les rives du réservoir de Bouzet, de part et d'autre de la digue. Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette journée du 8 juillet? Eh bien, c'est un moment qui est dirigé vers le patrimoine, vers les arts et aussi vers la musique, que nous aurons à la fois une vingtaine d'artisans d'art qui vont exposer, des visites patrimoniales pour les qui vont se diriger soit vers les temps de la comtesse, soit vers les visites des différents forts d'Uxenier ou de Sanchet. Et puis également des concerts, à la fois des déambulations musicales toute la journée et des concerts en fin d'après-midi. Alors la Folie Calette à Bouzet, donc ça commencera à 10h, une journée où on se fait plaisir, une journée intergénérationnelle je suppose, hein, où on vient en famille pour se faire plaisir et rencontrer plein d'artisans d'art comme vous venez de nous le dire. Est-ce que ce sont des artisans locaux qui seront présents? Alors ce sont des artisans vosgiens, parce que c'est vrai que nous avons là vraiment des gens dont c'est la profession. Hein, vraiment, ils sont vraiment référencés au niveau de la Chambre des métiers. Donc nous avons là vraiment une très très grande qualité, puisque nous avons un meilleur ouvrier de France, nous avons également des gens qui travaillent à Plombières-les-Bains. Donc voilà, non, il y a vraiment de très très un très bel univers qui sera présent. Alors je cite, hein, bijoutier, céramiste, potier, tourneur et sculpteur sur bois, bronzier, verrier d'art, couturier, ferronnier d'art, tapissier d'ameublement, porcelaine, tout un panel d'artisans. Parfois, ce sont des arts un petit peu ancestraux qu'on va découvrir. Oui, bah écoutez, c'est vrai que là, on retourne vraiment à la genèse, hein, oui. Un petit peu, mais c'est vrai que l'idée, c'est de découvrir ces métiers ou de les redécouvrir. Et puis, c'est vrai que moi, ce que je tiens à préciser, c'est que cette opération est gratuite. Et oui. Donc, c'est en accès libre tout au long de la journée. Chacun peut soit à son gré, soit prendre un petit pique-nique, ou soit profiter de nos deux associations qui vont fournir des petits casse-croûtes et des boissons. Donc, voilà, c'est vraiment pour passer un bon moment ensemble. Et oui. Alors, à quel niveau du lac de Bouzet va se tenir cette Folie Calette? Alors, principalement, l'accueil se fait au niveau de la maison du vélo, hein, qui se trouve donc côté Chaumodet. Oui. Mais le concert, lui, aura lieu côté Sanchet, au niveau du camping. D'accord. Alors, on pourra visiter donc le fort de Sanchet. Un départ en vélo depuis, donc, comme vous le dites, la maison du vélo aura lieu à 10h30 et à 14h30. Ça, c'est super. On peut se rendre également directement sur le site à 11h ou à 15h. Donc là, on peut découvrir ce fort. Qui fait la visite? Alors ce sont à la fois des bénévoles, oui. Mais aussi le Pays d'Art et d'Histoire qui va accompagner donc les visiteurs. Et puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y aura de présenter un film qui raconte l'histoire des forts de la ceinture d'Épinal, wow. qui va être à disposition en boucle à la maison du vélo. Donc vous voyez l'histoire, le patrimoine, la musique, c'est vraiment la fête des arts à Bouzet ce week-end. C'est super. Alors justement, est-ce que c'est cette volonté un petit peu patrimoniale qu'on met à l'honneur sur cette journée de Folie Calette à Bouzet? Est-ce qu'on veut vraiment promouvoir nos arts vosgiens et tous nos édifices, etc.? L'idée, c'est vraiment, effectivement, Bouzet est souvent le corollaire du sport. Et c'est vrai que nous avions à cœur d'offrir une autre activité, C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de proposer d'autres activités, de donner un autre esprit au lac et peut-être de retrouver ce qu'on a connu il y a quelques années, ce que l'on appelait la commune libre de Bouzet. Oui. La commune libre qui avait pour un seul objet, c'était faire la fête, offrir un moment de détente aux habitants. C'était à l'époque des commerçants d'Épinal, hein, qui avaient mis ça en place. Et c'est vrai qu'on s'est dit que pourquoi pas redonner cet esprit un peu festif à ce réservoir. Et c'est super. Alors, cette année, c'est la deuxième édition. Comment a émergé cette idée de cette journée? C'est vraiment une rencontre en toute amitié. C'est vrai que nous sommes trois habitantes de Chaumodet, donc Sylvie Richardin, qui est présidente de l'association Frisson. D'accord. Isabelle Molin, qui travaille à la Chambre des métiers et qui est passionnée des métiers d'art, et moi-même. Voilà, on avait envie vraiment de donner une autre couleur à cet espace, à ce grand lac de Bouzet, parce que c'est vrai qu'on l'aime beaucoup, on avait envie de le faire vivre autrement, et c'est de ces rencontres qu'est née cette idée. Et la folie Calais, tout simplement, parce que les folies, c'était les petites maisons, c'est pareil, d'accord, les petites maisons de campagne qu'on avait autour du lac. Et c'était donc la petite maison de campagne de Colette. Et c'est ainsi qu'est née cette manifestation. Ah bah c'est sympathique. Alors, combien de personnes s'investissent au sein de cette journée ? Oh bah écoutez, on va dire nous ne sommes pas énormément, mais c'est vrai qu'on fait un peu appel à nos familles pour nous donner un petit coup de main le matin et le soir à démonter. C'est vrai qu'à la fois il n'y a pas énormément de travail puisque la journée, les artisans prennent leur stand en main. Oui. Bon, je dirais qu'on est une petite dizaine à tenir cette manifestation. Ah oui, quand même. Eh bien, on salue en tout cas toutes les personnes qui s'investissent durant cette journée. Hein, c'est toujours très agréable d'avoir des gens qui s'investissent pour proposer des choses et pour faire rencontrer des artisans ou autres à son public. C'est très, très sympathique. Est-ce que l'année dernière, la première édition avait déjà plu ? J'imagine que oui, s'il y en a une deuxième. Oui, alors c'est vrai que vous savez, en fait, ce qui va beaucoup compter, c'est Dame Météo. Hein, c'est qui va faire pencher la balance entre le succès et le plus que succès. L'année dernière, c'est vrai que ça avait été vraiment un beau succès parce que, si vous voulez, on a réussi à mélanger à la fois les sportifs du matin, les familles et puis les visiteurs de l'après-midi qui découvraient, qui ne s'attendaient pas forcément à trouver autant de qualité. Et c'est vrai que les gens sont restés. Et c'est vrai que ça a été vraiment un beau moment de partage. Et ben c'est sympathique. En plus, c'est les vacances, hein, le 8 juillet. Donc, on peut y aller en toute tranquillité d'esprit, se faire plaisir, rencontrer des gens. Et puis profiter de l'instant comme c'est si bon de le faire. Alors ensuite, donc il y aura donc cette visite du fort d'Uxeny, mais également le fort de la Grand Haie. Oui, il y aura la possibilité d'aller jusqu'à Golbès pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Donc là encore, vous voyez, on a mis même un petit peu de sport quand même. mais c'est vrai que l'idée, c'est vraiment de valoriser cette ceinture de fort qui entoure Épinal et puis donner la belle image de la communauté d'agglomération d'Épinal. C'est vrai. Alors, vous l'avez dit juste avant, donc il y aura des concerts. Qui sera présent pour faire plaisir aux oreilles du public ? Eh bien, c'est vrai que dans l'après-midi, nous allons avoir plutôt des déambulations sur le thème des swings manouches et puis un peu jazz musette avec Bord de Marne et la Petite Huguette. D'accord. Le soir, nous allons un peu plus avoir des musiques du monde avec Ablaï Bassouba. D'accord. Donc, vous voyez, une autre humeur, un autre domaine. Et puis, à 20h15, nous allons avoir le groupe Qu'est-ce qu'ils font, qui eux sont plus un peu bing bang, funk, rap. Donc voilà, un peu de la gaieté et un peu d'énergie autour de cet étang. Éclectique en plus pour oui. Le plaisir de tous. Comment vous avez pris contact avec tous les intervenants qui vont proposer diverses choses, que ce soit les artisans ou les musiciens ? Ça se fait facilement ? C'est vraiment Sylvie Richardin et Isabelle Molin qui, chacune dans leur domaine, ont fait ce travail de recrutement. Elles nous ont proposé un certain nombre d'idées. Et puis, bon, c'est un petit peu réuni. Mais c'est vraiment elles, grâce à leurs connaissances, qui ont fait le choix et des artistes et des artisans. Et ben voilà, c'est super. On en aura, je pense, plein les yeux. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte d'être présente à cette folie Calette, donc qui aura lieu à Bouzet de 10h à 19h pour des expositions, de la musique, des visites. Voilà, tout pour faire des choses en plus en famille. Et ça, c'est important. On aime bien faire des choses en famille. Voilà, on se fait plaisir comme ça. Est-ce qu'une troisième édition sera prévue d'ailleurs ? Ah bah écoutez, on aimerait bien. Les idées ne manquent pas. Idées ne manquent pas. Non, a priori, écoutez, je pense que c'est un rendez-vous qui est en train de s'inscrire dans le calendrier estival. Mais on ne sait jamais. Hein. C'est vrai qu'après, c'est une question de moyens, une question d'envie. Il faut aussi se mobiliser pour mettre tout ça en place. Mais a priori, oui, je pense que si le succès est là, ça va s'inscrire dans le calendrier estival. Ben super. Est-ce qu'il y a des partenaires, des soutiens qui vous donnent un petit coup de main ? Alors effectivement, nous avons donc à la fois donc le pays d'Épinal, cœur des Vosges, nous avons la communauté d'agglomération, mais aussi la région qui aide aussi pour le soutien à la promotion des métiers d'art en milieu rural. Et ça, je crois que c'est aussi à souligner. Donner un petit regard sur les métiers d'art, justement, est-ce que c'est important? Est-ce que parfois il y a certains métiers qui se perdent? Et est-ce que là, c'est l'occasion peut-être de donner envie à certaines personnes de se diriger vers ces arts ou au moins d'y être sensibilisé? Je pense que c'est, si vous voulez, c'est vrai que la démarche, elle est aussi, et c'est pour ça qu'on est assez exigeant dans le choix et des musiciens et des artisans, c'est qu'on veut vraiment aller vers l'excellence. Mmh. Et l'idée, c'est de montrer aux gens que lorsqu'on crée de ses mains, ça a un coût, c'est du temps, c'est de l'énergie, et c'est de valoriser vraiment le travail de ces personnes qui, quelquefois, sont souvent dans leurs ateliers, dans l'ombre, et ça leur permet vraiment de se mettre en lumière et de proposer ce qu'il crée au plus grand nombre et pas forcément à des... Si vous voulez, on ouvre le panel de la clientèle, en fait. Oui. Hein, parce que c'est vrai que souvent, artisan d'art, ça fait un petit peu élitiste. Oui. Et là, vraiment, on s'ouvre au plus grand nombre et c'est vraiment, je crois, une grande chance pour tous. Oui, mais c'est super. Est-ce qu'il y a de nouveaux artisans cette année? Est-ce que certains étaient déjà présents l'année dernière? Alors, certains étaient déjà présents l'année dernière. Hein. C'est vrai que nous avions... je regarde les noms. Nous avions notamment notre verrier d'art, donc Olivier Leduc qui était présent, et Eddie Légus était déjà présent. C'est vrai que là, de mémoire, je ne les connais pas tous, mais oui, un certain nombre était déjà présent. Géraldine Leroux est également là. Donc oui, il y en a certains qui ont plaisir à revenir. C'est vrai que si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, notre prochain challenge, c'est aussi de fixer la date. D'accord. L'année dernière, c'était au moment du 13-14 juillet. Donc voilà. Ah oui. Là, il faut qu'on arrive à fixer une date pour que d'année en année, ça devienne vraiment un rendez-vous. À la fois pour les habitants, mais aussi pour les artisans. Est-ce que justement, il y avait d'autres personnes que les habitants qui sont venus l'année dernière? Est-ce qu'il y a des gens un petit peu plus éloignés qui se sont intéressés à cet événement? Oui. C'est vrai que nous avions eu la chance d'avoir vraiment des gens de l'ensemble du département, voire même certains de Meurthe-et-Moselle. Donc non, il y avait vraiment une belle rencontre qui s'est faite à ce moment-là. Alors, on a oublié de préciser quand même qu'il y aura une visite à pied du site naturel de l'étang de la Comtesse, parce que cet étang, parfois, il est un petit peu oublié. Et là, c'est l'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir ensemble, peut-être entre personnes qui ne se connaissent pas et puis qui viennent faire une visite sans se connaître avec sa famille. Et c'est à ce moment-là on rencontre d'autres personnes, c'est plutôt chaleureux. Oui. Oui, et puis aussi, c'est vrai que c'est un beau moment pour les enfants, pour leur expliquer la nature, pour expliquer pourquoi c'est si précieux de garder ces espaces naturels avec tout ce qui est la faune et la flore de notre quotidien, en fait. C'est vrai. Et c'est vrai que le rendez-vous se fait bien donc à la Maison du Vélo, juste au bout de la digue de Bouzet. Il y aura une personne dédiée pour expliquer un petit peu la faune, la flore. Oui, il y aura un guide qui sera présent et qui viendra, qui accompagnera pour expliquer ce site naturel. Et ben, c'est super. On vous remercie beaucoup, Sylvie, pour toutes ces explications. Donc, la folie Calette à Bouzet, c'est ce dimanche 8 juillet, de 10h, non pas jusqu'à 19h, mais jusqu'à 22h, parce qu'il y aura les concerts. Voilà, les concerts, il ne faut pas les oublier. On marche, on fait un petit peu de vélo, on se sensibilise au patrimoine et après, on se détend en assistant à certains concerts. Et ça, c'est plutôt pas mal, avec une restauration possible sur place. Comme ça, on peut y passer la journée en famille, en toute tranquillité. Eh ben écoutez, je vous remercie vraiment de donner un éclairage à cette manifestation. Et puis, je vous souhaite une très belle après-midi. Eh bien oui, une très belle après-midi à vous aussi. À très, très bientôt. Et puis, surtout, une bonne journée pour dimanche. Merci beaucoup. Et on croise les doigts pour le temps. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Hein. Au revoir. Avant de continuer avec cette fois-ci Vincent, que vous connaissez déjà, qui propose une émission sur nos ondes, on écoute tout de suite un petit son de Qu'est-ce qu'ils font, qui sera présent justement à La Folie Calette à Bouzet. On se met dans l'ambiance et on se retrouve juste après. We'll be right back. coat. I'm a cold sweat. Avec Vincent. Vincent, comment vas-tu ? Eh, ça va, bonjour Lia. Bonjour, alors tu viens nous parler aujourd'hui d'un événement qui aura lieu ce samedi 7 juillet à partir de 20h. Nous annonces-tu aujourd'hui ? Eh bien, ce sont tout simplement les 23e feux du Ballon d'Alsace, c'est-à-dire appelé des trois provinces, puisqu'on jouxte à trois provinces, Alsace, Franche-Comté, Lorraine. Et 29e en montagne, puisque ça remonte à 92 pour les uns, mais 86 bien avant aussi, où on avait voulu, avec d'ailleurs l'idée de Dédé Cidre, de la radio, de remonter les feux en montagne. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer au sein de cet événement ? Alors, disons que ce qui va se passer, c'est d'abord, j'explique un petit peu le contexte. Dis-nous. Voilà. Alors, on va dire, d'une part, c'est les plus hauts des Vosges, pas en hauteur pure de Chavande. On a une Chavande normale, disons, et deux petites au sommet du ballon. D'accord. L'une à la Vierge, l'autre à Jeanne d'Arc. Et puis, un troisième feu sur un sommet voisin, la Visegrutte. Ça fait quatre feux, quoi. D'accord. Voilà. La Visegrutte, c'est un des côtés alsaciens. La Vierge de la Visegrutte. Alors, en fait, c'est depuis 92 qu'on a commencé ces feux au ballon, dès 86, puisque on avait commencé à remonter les feux en montagne, je le disais. Oui. Et on a ces premiers feux avec Francis Cuny, notamment, qui allumait le feu depuis l'Est. D'accord. Bien, ils sont relatés dans la tradition, dans le cycle des feux de Joël Coucheron et feu aussi Jean Saltel. Alors en fait, on peut dire qu'on a continué après, de 86 à 88 à la Piquante Pierre, donc Bas-sur-le-Rue. Oui. Et c'était ce qu'on appelait même la fête du soleil à ce moment-là. Au Saint-Mont, à Remiremont, enfin à Saint-Étienne, à côté, en 89. À Chèvre-Rosse en 90. En 90, il faut signaler que c'était sous le label de la radio, c'était le feu RGM. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Ben oui, parce qu'il nous fallait un label associatif. Chèvre-Rosse, c'est à Vanier. Et on n'avait encore pas d'association porteuse. D'accord. À part un petit peu Vos en Marche du dit des Décidres, mais qui n'était pas toujours. Qui avait porté les premiers feux, mais plus après. D'accord. Et puis, on est au ballon depuis 92, voilà. Alors, c'est un fait que. On a toujours fait des fêtes comme ça. Et je dirais que c'est ce qu'on raconte dans notre présentation. C'est la mouvance d'une culture différente, alternative, transvosgienne aussi, puisqu'on est à travers les deux côtés. On a des Alsaciens, des Comtois, oui, des Lorrains. Oui. Depuis les années 70, c'était les Quaroges, les MJC et les Radios Libres. D'accord. Donc les Mozo en 81. 81, Guimozo. Et donc, voilà, alors c'est Recré. Alors Recré, c'est l'association, oui, qui existe depuis 1992. Recré, vivre et créer à la montagne. C'est aussi le titre de mon émission du vendredi, oui, soir, vivre et créer à la montagne. Et voilà, et c'est l'association qui est porteuse de ces feux. Et oui, alors c'est une tradition, comme je vais le citer, lointaine, qui, comme ouverture au futur, à l'univers, cette place du ballon, selon le mot du sculpteur Francis Cuny, est à la fois un lieu de ressourcement et d'échange. C'est très joliment dit, hein. Beaucoup de personnes s'y retrouvent chaque année. Oui, alors de plus en plus, je dirais, parce que, bon, il se trouve que on fait ça un peu décalé, on devrait faire ça au solstice, mais d'une part, on n'est jamais toujours prêt, il faut dire ce qu'il y a, c'est un gros boulot que d'édifier les savantes. Oui. Moi, ça fait 40 ans que je fais le bûcheron, et bon, je ne suis pas seul, mais il y a Michel Gravier aussi, qui est de la radio. On est plusieurs, mais on ne rajeunit pas nécessairement en même temps, même si on retrouve la jeunesse là-haut et des nouveaux. Et ça fait donc 40 ans qu'on fait ça. Et donc, d'année en année, il y a de plus en plus de monde parce que le bouche à oreille, le fait qu'on soit sur les trois versants fait que on passe sur les radios côté Belfortin, Radio France Bleue, Alsace, etc. On salue toutes les journaux, Est Républicain, Dernières Nouvelles d'Alsace, Alsace, et bien sûr Vosges Matin, ici l'Écho des Vosges. Alors on a avec le même effort un écho quadruplé ou triplé en tout D'accord. cas, avec ce fait qu'on est au nœud, au lien central des régions et des départements. Okay. Voilà. Donc c'est le feu des trois provinces avec, effectivement, il se manifeste, bon, comme tous les feux de Saint-Jean, mais on ajoute quand même des éléments particuliers. Les couleurs des trois provinces, jaune et or, par exemple, pour la Lorraine, côté ouest, bon, blanc et rouge pour l'Alsace, bleu et or pour la Franche-Comté, et aussi par les couleurs des quatre directions. Alors ça, c'est plutôt une tradition, les quatre directions, plutôt une tradition qu'on reprend aussi bien aux Indiens qu'aux Chinois, où les couleurs de l'univers sont caractérisées par quatre directions, le noir pour le nord, le rouge pour le sud, le bleu pour l'ouest et le blanc pour l'est. Eh ben. Alors, c'est un symbolisme universel D'accord. qu'on reprend là-haut, avec l'idée qu'une fois qu'on est là-haut, on est un peu ailleurs, sur cette place du ballon, effectivement, comme tu l'as dit, dixit Francis Cuny, et on est sur un des sommets du monde, en quelque sorte. Bon, évidemment, on voit juste la forêt noire, parfois le Mont Blanc, hein, et tout ça, mais mentalement, on voit peut-être l'Everest, mais c'est peut-être mental, ça. Voilà. Et donc, on est en tout cas, on est là-haut, sur un espace différent, à 1200 mètres. Donc, effectivement, c'est les feux les plus hauts dans les Vosges, dans la région, enfin, dans les Vosges en général même. D'accord. Et même dans toute la région, oui. D'accord. Parce qu'il n'y a pas d'autres sommets qui accueillent des feux comme ça. Ok. Donc, dès 20h, le public sera accueilli, c'est ça? Comment? Dès 20h, le public sera accueilli? Ah oui, 20h, le public est accueilli. Alors, il y a des chanteurs. Oui. Sylvie Leguet, Michel Génini, François Feutet et les copains d'abord, Jean-Claude Lusson, Christophe Toussaint, Michael Griesser, moi, voilà. Okay. Et donc on en accueille de façon continue. On a une veillée poétique à 21h30, donc il y a une buvette aussi, alors le public peut arriver. Et après, on a une veillée poétique où on lit des textes qui sont dans l'esprit de la soirée, qui diffèrent bien sûr des feux de Saint-Jean habituels. Ensuite, à 22h, on a des cortèges qui montent, enfin un peu avant, c'est à partir de 22h que les cortèges vont au sommet. D'accord. À 21h30 plutôt, et ils descendent à 22h. Et là, on a deux cortèges, un qui vient de Jeanne d'Arc et l'autre qui vient de la Vierge, okay. Avec des torches, tous les volontaires, tous les gens qui ont envie, les enfants, ou des lampions pour les enfants. Ouais. Parce que, voilà, c'est chouette. Alors c'est joli, voilà. Et à 22h30, on allume la chavande au centre du dispositif, au démineur. Oui. Voilà, donc, et ça continue toute la soirée, ça dure au moins... On va dire que la chavande est bien bourrée, pas nous, mais enfin... encore que, ça dépend des moments. Mais en tout cas, on redescend pas, donc on est tranquille. Mais... Enfin, il faut quand même prévenir, il y a une buvette, mais d'accord. Des fois les gendarmes ils savent aussi, donc il faut pas trop abuser quand même. Faites attention, soyez prudents, oui. Faites attention à vous. Mais moi je reste là-haut. Nous, on est quelques-uns à attendre le lendemain. Wow. Parce que le feu, il va durer, il s'écroule en général vers d'accord. Minuit, comme beaucoup de feux de Saint-Jean. Mais après, on garde encore de la... on garde encore de la flamme pour rester à peu près toute la nuit. D'accord. Et après, on va voir le lever du soleil. Pas directement là, mais il faut qu'on monte un peu sur le sommet du ballon pour voir le lever du soleil qui se lève derrière le petit ballon. Alors, il y a une théorie, justement, à laquelle on se réfère. Et puis, notre affiche y réfère. Notre affiche, constituée par Jean-Claude Lusson, okay. nous montre les chars du soleil. C'est un tableau d'Odilon Redon. Je ne sais pas si d'accord, tu connais. Oui. C'est un peintre du 19e, oui, je crois. Oui. Qui a fait le char du soleil. Alors pourquoi ? Avec quatre chevaux blancs. Pourquoi ? Parce qu'on se réfère à la théorie, disons que ce qui reste une théorie, mais probable, comme quoi ballon, c'est pas parce que c'est rond, c'est pas parce que c'est un ballon de foot, disons, mais même si en ce moment on y pense, c'est parce que c'est Bélène, Bélénos, c'est-à-dire Apollon, Abélène, Abolon, Apollon, et le soleil. Et en fait, c'est pourquoi on s'y réfère, parce que c'est un mythe porteur, surtout au moment où on se prépare aussi à commencer le projet grand site du Ballon d'Alsace. D'accord. Donc il y a un mythe qui est assez central. Or, c'est plus intéressant de porter ce mythe en se disant que Apollon, c'est quand même le soleil, ce qui est très beau, et aussi le dieu de l'art. Oui. Et c'est pourquoi, pour nous, c'est très porteur comme mythe. Alors, si ce n'est pas entièrement prouvé historiquement, ça peut le devenir, de fait, dans nos activités, dans notre art, dans notre musique. Ça serait donc bien Apollon, Ballon, Bélène, le dieu de l'art et du soleil. Voilà. Et ben voilà. Voilà, donc c'est gratuit, bien oui. sûr. Et voilà, donc on peut téléphoner, mais ça, je sais qu'à la radio, c'est pas facile à capter, à mon numéro de téléphone, qui est le 06 83 17 66 36. Et voilà, il faut arriver quand même assez tôt. Le parking. Il y a un parking, mais il est vite rempli quand même. D'accord. Avec tout le monde qui vient. Alors après, ça peut être tout le long de la route. Alors des fois, il y en a qui se garent assez loin. Ok. Plus tard on arrive, plus tard, ah bah ça, c'est sûr. Il faut se garer loin. Alors c'est samedi 7 juillet, dès 20h, les 23e feu des trois provinces au Ballon d'Alsace. Voilà. 29e feu en montagne, ça commence, comme on vous l'a dit, à 20h. Est-ce qu'il y a un point de rencontre où est-ce qu'on se rejoint là, ben le point, c'est le col du ballon. En fait, c'est la limite des deux départements, Vosges d'un côté et territoire de d'accord. Belfort de l'autre, 90. Et on voit bien le monument des démineurs. C'est juste à la frontière de la Franche-Comté et de la Lorraine. Et c'est la clairière des démineurs. Alors il se trouve qu'on est légèrement côté 88, mais à quelques mètres du 90. C'est-à-dire on est vraiment sur la limite. Quoi. Et c'est facile, c'est le col du ballon quand okay. on arrive... au col du ballon, on est là, et à droite, on va trouver l'espace, on voit bien la Chavande, les panneaux, tout ça. Et ben vous aurez toutes les informations dont vous aurez besoin pour vous rendre samedi 7 juillet dès 20h à cette soirée, festivité musicale, amicale autour du feu, tout pour passer une soirée agréable. Merci beaucoup Vincent. Merci Lia. À bientôt. À bientôt. Vous avez tous les éléments en main pour passer un week-end de folie, un week-end en famille, un week-end pour se faire plaisir. On commence par le vendredi 6 juillet, vous avez bien compris, à 19h, le vernissage à la Maison de la Bresse pour l'exposition présentée par Anita Rotureau. On continuera avec le samedi 7 juillet dès 20h pour les feux des trois provinces présentées par Vincent juste avant. Ensuite, dès 10h, la folie Calette, donc ce dimanche à Bouzet, vous retrouverez tout ce dont nous avons parlé au cours de notre intervention avec Madame Dalguer. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. En attendant, on se retrouve quand même demain. Une très très bonne journée. Et puis surtout, n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, bonheur, joie et rire à tous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.